Enfin. Nous saluons chacun de vous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Prenons notre Bible dans 1 Corinthiens chapitre 6. Dans son verset 11 et dans son verset 12. Père céleste, Baba, Ali Jumbinguni, au nom de Jésus-Christ, Mujina na Yesu Christu, nous te prions cet après-midi de jeter des regards de miséricorde. Imangali bituna kumba upate kutupa ku macho arema. Et d'un regard favorable à chaque prière qui t'a été adressée ici. Na macho akukubali kila ombi ilikuelekea paifashi. Bénis chacun de nous d'une manière particulière. Nous comprenons que notre vie est attachée à ta parole. Rempli nos cœurs de ton affection. Et que ta révélation éclaire notre chemin. Na ufunuo yako ipate kuangazia njia yetu. Bénis chacun de nous d'une manière particulière. Ubariki kila moja wetu mnamna upekee. Bénis la parole qui sera lue. Ubariki neno tutasoma. Conduis-nous en toutes choses selon ta promesse. Utuongoze mkitu kyote kufuatana na malako yako. Souviens-toi des frères et des sœurs qui sont en ligne. Kumbuke banduku na badada mafata mtandao. Éclaire notre intelligence. Upate kuangazia akili yetu. Pour que notre foi kusudi imani yetu ikone sans difficulté. Bila magumu. Merci Seigneur. Asante Bwana. Sois avec nous. Uenasi, du début à la fin. Mwanzo hata mwisho. Au nom de Jésus-Christ. Mujina Yesu Kristo. Te prions ainsi. Tunakuomba hivi. Amen. Amen. 1 Corinthiens 6. Ukoto kwa sura ya 6. Verset 11-12. Isaya 11 12. Et c'est là ce que vous étiez. Na njo kile mulikuyaka. Quelques-uns d'entre vous. Wamoja katikati yenu. Mais vous avez été lavé. Lakini mulioshwa. Mais vous avez été sanctifié. Lakini mulitakaswa. Mais vous avez été justifié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lakini mulesabio aki munjina la Yesu Kristo. Et par l'Esprit de notre Dieu. Na kupitia roho ya Mungu wetu. Tout m'est permis. Yote inenurusiwa. Mais tout n'est pas utile. Lakini yote aina ya mafaa. Tout m'est permis. Yote ninirusiwa. Mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Lakini mimi sitajiachilia kutumikisha aizuri kitu yoyote. Asservir esclave. Kuwa mtumwa. Dominer. Wala kutawaliwa kitu kyokyote. Par quoi que ce soit. Kwa kitu yoyote. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Bwana aongeze baraka usome neno lake. Dans cette vie terrestre, oui, maisha yetu hapa dunia, il y a beaucoup de choses qui sont bonnes pour la vie de l'homme. Kuko bitu ya mingi, benye kwa bizuri juu ya maisha ya mtu. Mais étant devenu croyant, mais là qui n'est pas le chacun du Christ, nous ne pouvons pas nous faire esclaves de quoi que ce soit. Là qui a tué ce qui était à toi, bah tout moi, y a qui tu côté. Nous avons pris une bonne décision de suivre Jésus. Tout le monde va nous prendre au mesure, y a qu'on fasse à Jésus Christ. Lui qui nous a libérés de la domination des démons. Et nous avons pris l'engagement d'être ses esclaves. Un chrétien d'expérience est un esclave du Seigneur. En tant que fils et fille de Dieu, nous sommes dans l'obligation de se soumettre à toute la parole de Dieu et accomplir toute la volonté du Seigneur. Mais pour tout ce qui est des choses du monde et de tout ce qui est attaché à l'esprit du monde, aucun chrétien ne peut se faire esclave de ces choses. Que ça soit l'argent, que ça soit les maisons, que ça soit les biens, que ça soit les femmes, que ça soit n'importe quoi, ce qui est plus important pour un homme de Dieu, pour un fils ou une fille de Dieu, c'est Dieu dans son cœur. C'est la parole de Dieu dans son cœur. Voilà la chose la plus importante. Il faut que la parole de Dieu domine notre vie. Et le Seigneur aura du plaisir avec nous. Que Dieu vous bénisse. Prenons la 15e question. Tubebe ulizo ya 15. Frère Branham, Dieu a dit à Frère Branham. Mungu anamwambia ndugu Branham que si tu amènes les hommes à te croire. Kama unasukuma batu kuamini. Quand on affiche batu kuamini. Une portion du ciel t'est réservée. Alors cette portion du ciel lui sera donnée quand? C'est la question du frère ou de la sœur. Comme Dieu avait dit à Frère Branham, qu'une portion du ciel t'est réservée. Alors, cette portion du ciel de Frère Branham, il est lui sera donné quand? Je réponds à cette préoccupation. Cette portion du ciel, il est lui sera donné au moment où Jésus viendra. Itampewa wakati ile Yesu atakuja pour récompenser et couronner tous les élus. Juu ya kulipa na kutia taji wateule wote. C'est au moment de couronnement et de récompense. Ni wakati ya kutia taji na malipo que cette portion lui sera donnée. Jo pale watampeo watampatia isemu. Voilà ce qu'il faut retenir. Il y a eu beaucoup de commentaires qui ont été faits sur ces déclarations. Nous croyons que ce que Dieu a dit est la vérité. Et Dieu n'avait aucune raison de mentir, Frère Branham. Mais Et lorsque Jésus viendra pour couronner les siens, c'est à ce moment-là que nous verrons exactement quelle est la portion du ciel que Frère Branham recevra. Les gens, les autres ont fait des commentaires. Ils ont dit, nous serons dans la portion de Frère Branham. Ça, c'est leurs opinions. Il est ni nam na ya bwakona. Mais nous serons dans le ciel de Jésus-Christ. Lakini shita kwa mbingu wa Yesu. Chacun de nous aura sa récompense selon le travail qu'il a accompli sur la terre. Kila mtu atakuwa na malipo yake kufuatana na kazi la kutimiza pa dunia. Frère Branham comme un serviteur de Dieu. Branham yesa mtumishi wa Mungu. Toi aussi comme serviteur ou servante du Seigneur. Nawe sa mtumishi wa kazi wa Bwana. Mais à chacun. Mais lakini kila mtu selon le travail qu'il a accompli sur la terre. Kufuatana na kazi ile alitumika pa dunia. Jésus lui-même dans Jean 14 a dit, lisons cela. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Jean chapitre 14, verset 2. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures, plusieurs palais dans d'autres traditions. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Voyez, toi aussi là où tu es assise, là où tu es assis mon frère, croyez en tant que chrétien, né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit, tu as une place au ciel. Ce n'est pas seulement Frère Branham. Même Frère José a sa demeure. Moi aussi j'ai ma demeure. Voyez, chacun de vous. Kila mutu. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Voilà la réponse. Mone jibu. Il n'y a pas à nous kafouiller. Dieu a sa façon de parler. Dieu a son langage à lui. Cette portion n'est qu'une demeure, ni qu'une place qui lui sera réservée. Cette promesse-là n'est pas seulement pour Frère Branham. C'est pour chaque élu. Donc ne vous agitez pas. Voyez bien mes frères. Travaillez à votre salut. Vous avez une place au ciel. Frère Daniel, tu as ta place au ciel. Daniel, une phase à kumbingu. Voyez, chaque sœur a sa place au ciel. La dada, une phase à kumbingu. Alors, ne vous troublez pas. Sasa, mushikuye na wasiwasi. Est-ce que c'est compris? Et tu m'as élu. 16. Kumina sita, ulizo. Pour les moments difficiles. Dans le couple, l'homme peut-il quitter son foyer et laisser sa femme dans sa belle famille pour aller se rechercher ailleurs? Même dans une autre province, le frère ou la sœur veut savoir s'il est correct à un frère à cause des difficultés dans le couple et les difficultés de la vie. il peut prendre sa femme et l'abandonner dans sa belle famille. Dans sa belle famille, c'est le frère qui laisse dans sa belle famille. Que ce soit pour le frère Nikwabo, que ce soit Kwabo, que ce soit Kubanduku Yake, c'est presque la même chose. Pour aller d'abord se rechercher. Et il peut même quitter la province. Et aller chercher un peu s'il peut retrouver quelque chose. Je vais commencer par vous répondre à cette préoccupation de cette manière. Avez-vous déjà vu une chose pareille dans la Bible? Qui a déjà vu dans la Bible un couple qui passe un moment difficile? L'homme prend la décision d'aller laisser d'abord sa famille dans sa belle famille ou dans sa propre famille pour aller se rechercher. Y a-t-il un frère qui a déjà lu cela dans la Bible? Dans le livre de Ruth, nous avons un cas qui semble être similaire. Similaire pourquoi? C'est parce que Elimelech passait des moments de crise en Israël. C'est pourquoi j'ai dit un peu similaire. Il eut un temps où Israël était en difficulté. Le ciel avait séché. Au temps des juges, il y eut une famine terrible dans le pays. Et Elimelech voyait la difficulté par où il traversait. Lui n'a pas pris Naomi pour aller le laisser dans sa famille afin d'abord qu'il aille se débrouiller chez les Moabites, là où il y avait de la nourriture, et ensuite venir récupérer sa femme. Non. Elimelech, pendant ce temps de crise, il avait pris comme il ne savait plus que faire. La vie était difficile et compliquée. Il n'y avait pas du travail dans le pays. Il n'y avait pas de nourriture dans le pays. Suffisamment de nourriture dans le pays. Le ciel était de rein. Elimelech, pour protéger sa famille, il prit sa femme Naomi, Arbeba, bibi yake Naomi et ses deux fils na watoto wake wawili et alla habiter dans le pays de Moab. Na alienda kukala mwinchi ya Moab. Là où il y avait de la nourriture. Mule mulikuwa chakula. Vous voyez comment il a agi un homme responsable. Mutu akubeba madaraka munona vile alitenda. L'église est avec moi. Kanisa tu pamoja. Il n'a pas fait cela. Et écoutez-moi, frère. C'est faux. pour une femme pendant le moment de crise de la maison. Il abandonne son mari dans la souffrance. Elle retourne chez elle pour attendre que son mari se débrouille seul. Quand il sera stable, elle revenir pour vivre heureuse avec lui. C'est force de la méchanceté. Il est mubaya. Ce n'est pas juste. C'est faux pour un homme de prendre sa femme à cause des moments difficiles qu'il traverse, d'aller de les laisser dans sa belle famille ou dans sa propre famille pour aller se débrouiller. C'est faux. Ce n'est pas juste. Et je vous dis ce soir, bien-aimés frères et sœurs, de telles choses, de tels comportements, ce sont des choses qu'il faut éviter comme un chrétien. Samu Christu ni bitu ya kuepuka sana. Peu importe le temps que vous passez ou le moment que vous passez, wakati munapitisha, restez et souffrez ensemble avec votre conjoint bakia, ou avec votre conjointe. Na teswa na bwana yako wala bibi yako. Parce que même quand nous vous marions ici, ou quand nous sommes mariés, nous avons fait le vœu de vivre ensemble dans les bons moments, comme dans les mauvais moments, dans la santé, comme dans la période et des maladies. Dans l'abondance, utele, comme dans la disette, dans la pauvreté, masikini, comme dans la richesse, mutajiri, restez ensemble. Pamoya. Voilà pourquoi le mariage a été instauré. C'est vrai, frère. Dans le bonheur comme dans le malheur. Dans l'abondance comme dans la disette. Soyez toujours ensemble. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Souffrez ensemble. Quand la bénédiction viendra, qu'elle vous trouve ensemble. Frère, Nduku, sœur, dada, la souffrance, mateso, souvent nous la voyons toujours d'un mauvais côté. Mara mingi tunaonaka pa mungambo ya mbaya. La souffrance est bonne, mateso iko mzuri, pour chaque personne. Kwa mtu wote. Elle est bonne pourquoi? Parce que la souffrance forge d'abord en nous un caractère. Et la souffrance nous donne la possibilité de chercher des solutions à cette difficulté ou aux difficultés que vous avez. Oui, bien-aimés frères et sœurs. Regardez dans nos foyers. Vous savez que la tendance actuelle que nous avons de donner tout à nos enfants est une grande erreur que nous commettons et une grande déformation que nous donnons à l'éducation de nos enfants. Quand un enfant à tout. Et on habite biote. Et on l'a habitué à lui donner tout. Cet enfant est détruit. Il ne peut jamais se débrouiller. En cas d'absence de ses responsables, de ses parents. Regardez même dans la vie les gens qui souffrent beaucoup, qui deviennent des mendiants, frères, sont des enfants, des hommes et des femmes qui ont vécu d'une manière heureuse, des enfants des cadres des autorités, mais qui n'ont rien foutu sur les enfants. Parce qu'on leur donnait tout. Remarquons aujourd'hui. La majorité des enfants des cadres. La vie est ratée aujourd'hui. Parce que barikoa beko na tiza na mamali ya baba ya baba yabo franga baba baba yabo beko na waza semeni yabo wakati kaji ya baba yabo inaisha au baba yabo wanakufa na mama yabo wanakufa. Aujourd'hui quand vous les regardez le Messie, les bandes va coûter soit sana, ils n'ont pas profité de la richesse de leurs parents pour se former et pour étudier. Il ne sait pas se débrouiller. Alors, tu vas te Tu vas te faire. Vous ne pouvez jamais apprendre qu'il y a un enfant. Lorsque les choses vont s'améliorer, alors que je vais rentrer, il faut faire les champs. Il faut faire les champs. Et moi j'ai toujours apprécié. Il n'y a personne dans la Bible qui l'a fait. Mon Bible a kuna mtu hata mwafanya ile. C'est vrai frère. Kweli ndugu. Nous nous marions pour rester ensemble. Sie tunaoanaka ni njoo tubakie pamoja. Kama mateso inakuya. Donc la souffrance nous trouve. Kama ni kulala na njala. Il faut passer nuit à faim. Chez bote tulale na njala. Nous passerons. Kama ni kulalia mioko. Il faut manger juste le mioko. Nous allons manger les manioko. Kuna kaka tuwa bwana tungine tukulu. Kuna nasema maisha inakuwa compliqué. Kuna za compliqué bibi amfukuze. Bibi achoke ende. Pour que la femme se fatigue, qu'elle puisse rentrer dans sa famille. Si vous voyez que votre mari devient malin à ce point, ne bougez pas, reste là-bas. Reste, demeure là-bas. Ne bougez pas. Celui-là, lorsque la vie va s'améliorer, restez avec ton mari. Bakia na bwanako. Restez avec ta femme. Bakia na bibi yako. Que ça soit dans la pauvreté. Iwe maskini. Que ça soit iwe dans la richesse. Ata que ça soit dans le bonheur. Mura. Que ça soit dans le malheur. Voilà, que ce soit dans l'abondance, oui, que ce soit dans la disette, voilà, que ce soit dans la santé, que ce soit dans la maladie, voilà, ma reste avec ton mari, oui, reste avec ta femme, reste avec tes enfants, souffrez avec eux. Pana kuzambari seba tota abanenda kwa muyomba abanenda kwa semeki ah non vos frères restez avec eux bakia na abu pamoya oui frère unaona nduku et Dieu vous bénira na Mungu atemibariki et je vous dis frère na nuno yambia nduku par expérience kwa onjo chaque véritable couple ndoa tu yabia kweli dans son parcours yabu, doit passer par un moment de souffrance. Bana pasha kupitia kwa wakati wa mateso. Vous êtes mariés, c'est pour vivre ensemble. Murioana ni njoo kuishi pamoja. C'est pour s'entraider. Ni njoo mwanze kusaidiana. Oui, bien aimé frère. Unaona nduku. Uyo kolinda kukata ma fleur. L'autre va tailler le fleur. Uyo kuna choma tu mamio. L'autre va griller. Kakukari kanaonekana. Vous avez un peu de. Batoto banakuria. Les enfants vont manger. Na mwemu nakuria. Et vous aussi. Uyo anaenda paka vile. Ulima kwa mtu tambiri. L'autre va faire. Uyo anabakia. Kupitisha nsombe mbalabala. Faire se passer. Quelque chose inakuya. Batoto banaripa. Kesho wanafukuza kwa masomo. Kesho kutamune baripia. La vie continue. Jusqu'à ce que. Dieu vous bénira. Mungu atemibariki. Na kama bantu bawili. Bana décidé kuishi mwile namna. On décidé de le Dieu du ciel. Mungu akumbingu. Le bénira. Atawabariki. Le Dieu du ciel. Mungu akumbingu. Exaucera leur prière. Atajibu maombi yabo. Dans de telles circonstances, restez ensemble, attachez-vous à Dieu, que Dieu soit votre consolation, et il va vous essuyer les larmes. Oh, Koko Muyomba, ni député, oh, mon oncle, ni pasteur, non, non. Dans Ecclésiaste chapitre 3, chapitre 4, Ecclésiaste chapitre 4, Mubiri ine, verset 9 et 10. Écoutez les conseils qu'Ecclésiaste donne. Mushike shauri ile Mubiri alete. Deux valkan. Bawiri banashindia moya. Parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Sababu bona pata kumushara mzuri ku kazi ile bakonafanya. Kwani s'ils tombent kama moya nanguka l'un relève son compagnon mwingine analamusha ule bwana tembea naye ndio buzuri ya bukweli c'est ça quand tu vois ton mari être découragé mimi natafuta kazi mishona mimi natumika sana mishipata mfanga cette femme vertueuse mwanamke wa utawa une chrétienne dira à son mari anaambia bwanake chéri pendwa sois calme tulizana notre bénédiction baraka yetu viendra itakuya l'aiguille de l'horloge ah mukuki tourne encore ingariki na zunguka un jour siku moja ça va tourner à notre faveur itageukia restons attachés à Dieu bakie na Mungu faisons ce que nous faisons ipake bituna le moment divin et le moment divin wakati ya Mungu viendra aussi itakuya kwetu apana une femme remplie de démons qui se plaît à tout moment ule eko paka na kutompolea kila wakati. C'est faux, frère. Pana, na mzuri nduku. Dans le mariage, on ne se plaint pas. Mundoa, amukalaki ya kuitumbolea. Dans le mariage, on travaille. Mundoa, banatika. Même dans la loi. Ata dans la loi ici, dans la loi. Sheria yetu ya nchi. Dans le code de la famille. Code ya. Quand des hommes se marient, les deux doivent contribuer pour la stabilité du couple. La femme doit travailler, l'homme doit travailler pour amener quelque chose qui doit stabiliser leur foyer. Après nous commandons, ouais, tu es madame, c'est ma enfanté, c'est tout ce que tu sais. Et encore, tu veux Nigeria, Nini. Bazin. Ayan Jacques Bazin. Tu ne comprends pas? Ah oui, le Kitu. Oh, minate soit ça. Oh, j'ai tant souffert. Les autres, c'est qui sont heureux dans leur mariage? On a déjà coulé dans la toque. Tu sais où ils sont venus et là où ils sont. Moi, la mouke, une femme, Wakuji plaindre qui s'est au sujet de son, de la souffrance de son couple, yamate, son a un esprit de prostitution. Et que cette femme-là, elle finira pour avoir quelque chose. Au point où on la couche pour qu'elle n'ait pas. Une véritable femme fait confiance à Dieu, il fait confiance à son mari, il sait que, elle sait que Dieu nous bénira. Ça, Vichy, tu crois, Toto, Yamungu, Mungu, il y a un temps pour toutes choses. Il n'y a pas une souffrance éternelle. Le moment de Dieu viendra et nous serons heureux. Depuis que nous sommes mariés, moi aussi j'ai mis de friperie, même la veste que j'ai c'est de friperie. Vous voyez frère, on en a un douk. Vous voyez sœur, on a d'ad. Une femme est là, c'est comme une deuxième bras, une deuxième main. L'homme doit travailler pour la stabilité de son peuple. Apana ma esprit qui kasai, ya kupenda kucheza kisolo, kucheza dame, na ma carte ya makuta, vile kwa natembea na mabafu wa de kilometre, de kilometre, tu akuye na mandaribi, na bitoyo, joka, kibwana kinakuria, kinakuna na soupe, et il va prendre même la soupe, kule ni bubumbafu, ça c'est être insensé. C'est la stupidité des Kassayens. Il a déjà transformé ses femmes des esclaves. On ne peut pas accepter ça. A toi, Zichikuchika Blebintu. Tout le monde doit travailler. Bantu Boti, Mapashu Tumika. Vous voyez. Non. Car s'il tombe, Kamananguka. L'air élève son compagnon. Moya atalamusha konduka fikiake bantu. Malheur, même malheur à celui qui est seul. Ça ole kwa ule ko moya. Et qui tombe. Na kama nanguka. Sans avoir un second pour le relever. Ana na wapili wa kumsaidia kumlamusha ako. C'est vrai frère. Ni kweli nduku. C'est ma sœur, ça va. Lorsque la souffrance accable dans la famille, le couple doit s'unir bibi na bwana bana pash kungana pour demeurer ensemble, kubakia pamoya, traverser ce moment là ensemble. Ile wakati yangu muitambuke pamoya. La femme n'a pas le droit de rentrer chez elle. Ana ruhusa ya kurudia kwabo. L'homme n'a pas le droit d'aller la déposer dans la belle famille chez elle. Ana ruhusa ya kwenda kumrudisha kubako yake. Batumike. Kama ni mashamba barime. Kama ni commerce, bende pamoja. S'il faut faire le commerce, kama ni kwenda kuteka samaki bakateke. Aller pêcher, aller. Kama ni kwenda kutafuta kubamba bampanya, babamba bampanya bote. Aller attraper les rats en brousse, aller refaire. Kama ni kwenda kutafuta masuku bote, bende katafuta masuku. Aller chercher les fruits sauvages. Vous voulez que les masuku ile bakwebe mjiche. Souvent des hommes qui abandonnent les femmes attendent Kumaï pour la Kumaï pour tout le monde pour t'affronter en Samaki pour t'affronter en il va trouver encore d'autres femmes là-bas. Ça c'est une matière sereine. Maintenant c'est quelle souffrance? Il est allé travailler pourquoi? Banamuke bengine banenda. Il y a d'autres femmes, ils vont Kumaï banakuwa na babibi bengine ba man Samaki avec d'autres maris de pêcheurs. On a déjà vu beaucoup de sales choses. Lorsque vous voulez aller travailler loin, prenez votre femme. Même moi, votre pasteur, c'est quand Dieu m'avait envoyé à Kabongo. Mon épouse n'est pas née au village. Elle est née ici à Likasi. Mais je l'ai amenée à Kabongo. On est déjà. Mala yake kulala pa panat aina hii manat tena kuzulala pa kialo aina hii c'est pas bonat ici kitanda ya ambambu ni kitanda kia miki unalamuka busubuhi ya kudesine huku hakuna mpompi kule tracé là-bas il y a pas de robinet bakwenda kushota mai vous allez puiser de l'eau 5 km 6 km kushota mai 6 km unawa ni mtoni pour aller se baigner c'est dans la rivière elle est là elle avait eu de bupale buli mutokaka iko pale. Mais vous pensez qu'elle vient du ciel. Si on commence à vous raconter partout où nous sommes passés, tu ne comprends pas. Mais quand on s'appuie sur Dieu, Dieu est fidèle. C'est pourquoi rester ensemble. Je pense que tout le monde a compris. Vous avez compris. 17e question. Après mon baptême d'eau au nom de Jésus-Christ. Kisha kunibatiza mujina Yesu Kristu. J'ai constaté miliona kwamba que lorsqu'on arrive vers 1h du matin, kama tunafika mainer, quelque chose doit me réveiller pour prier. Kuwa kitu kwa kile la mshaji wa kuomba. Malgré les gens avec qui nous dormons, qui me disent que je les dérange en faisant des bruits, et une autre chose, pendant mon sommeil, chaque fois je me voyais en train de parler en langue. Milianza kujiona nunalota nasema muluga. Et je disais amen. Na nianza kusema amina. Et lorsque on me réveillait, na kaba ni la musha, je réalisais que j'étais endormi. Nianza kutambua kusema nilikuwa mwenye kulala. Et encore, na tena. Quand je prie souvent même pendant la prédication et pendant Ata mwakati ya maombi kani una ya mahubiri kani naomba. Quand je prie, wakati nunaomba, quand je prie souvent, mara mingi, et même pendant la prédication, atamu wakati ya maubiri, je sens une puissance m'envahir. Mina shikiaka uwezo mwa kunizunguka. Que pouvez-vous dire, mon berger? Mchungaji wangu, na sema konini? De ces expériences que j'ai vues, merci. Ku ii maonjo nunapiti yamu, aksanti. Je pense que chacun de vous a compris ce que le frère ou la sœur a posé comme question. Je réponds à cette préoccupation. Pour toutes les expériences que nous faisons après la conversion ou après le salut, examiner toutes choses d'après la parole de Dieu. Mambo yote tunapashi kuangalia kuneno la Mungu. La bonne manière d'examiner votre vie, namna mzuri ya kuchunguza maisha yako, et savoir si vos expériences que vous faites sont justes, na kuyua kwamba kama maonjo mnafanya kuya kunyoloka, Considérez la vie que tu menais autrefois. Wangarie ile maisha ulikuwa nayo zamani. Avant la foi. Mbele ya kuamini. Avant ces expériences. Kisha imaonjo. Et la vie que vous menez actuellement. Na wangarie ile maisha kunayo hapa sasa. Si elle est conforme à la parole de Dieu. Kama ile maisha kuna inambatana na sauti ya Mungu. Gloire au Seigneur. Sifa kwa Bwana. Continuez. Endelea. Tu es sur une bonne voie. Uko munjia mzuri. Mais si vous remarquez. Kama unaona kusema. Qu'il n'y a pas de changement. Hakuna badiliko. Avant le baptême. Mbele ya kubatiza. Et après le baptême. Kisha kubatiza. Tu es toujours le même. Uko pako le mutu. Ou la même femme. Wala mwanamke mmoja. Ces expériences que vous faites. Ile maonjo kunafanya. Sont fausses. Ni abongo. Et pour s'occuper de la préoccupation de la sœur. Nanjia kuangakia iulizo ya dada. J'ai constaté que lorsqu'on arrive à 1h du matin, quelque chose me réveille. 1h du matin, qu'est-ce que tu as? Vous n'avez rien à craindre, je réponds à cette préoccupation. Vous n'avez rien à craindre. C'est une expérience chrétienne. Ni onjo ya Kikristo. Tout véritable chrétien, Christo oto akweli. Après son expérience avec son expérience de la conversion. Kisha onjo yake kubadilika. Et même du baptême du Saint-Esprit. Na hata ubatizo wa mtakatifu. Il passera pas de moment pareil. Atapitia wakati hivi. Quand vous arrivez à des heures précises. Wafika wakati mwa fulani. Vous n'avez plus de sommeil. Na unata bushingishi. Et vous avez une onction de prière. Na vous ne vous réveillez pas. Vous commencez à tourner les pouces. Aina unalamuka. Vous vous réveillez pour prier. Unalamuka. Et quand vous commencez à prier, wakati unaanza kuomba, vous sentez qu'il y a une communion entre toi et le ciel. Katikati yako na mbingu. Vous n'êtes pas una un moineau qui crie dans le désert. Tu moineau wala kanyama ki alamika mjangwa pa. Non. Et vous sentez que votre prière na, va tout droit vers le trône de miséricorde. Et vous remarquerez que chaque prière que vous faites, Dieu y accorde son attention et elle sera toujours répondue. Et quand vous vous réveillez le matin, c'est comme si tu n'as pas prié pendant 2 heures. Ça au combata, heure, tu as la force, tu travailles, tu travailles, tu fais ton travail normalement. Il n'y a rien qui te dérange. C'est une bonne expérience. Je vous demande de continuer. Prospérer dans votre expérience. C'est une bonne chose. Les gens qui te disent, vous êtes dérangés, cela arrive à tout le monde. Je connais un frère ici, que je vois dans cette assemblée. Quand il est venu à la foi, il était, je pense, chez sa tante ou chez sa tante ou chez sa tante. Et ce sont nos maisons ici où ils n'ont pas suffisamment de place. Mais il avait toujours soif de prier. Et ses frères se plaignaient. Mais je lui disais, continue à prier. Cherchez des endroits où tu peux aussi prier. L'église est là pour vous. Si vous ne voulez pas venir à l'église, allez en brousse vous-même. Vous cherchez un endroit où vous pouvez vous consacrer. Parce qu'en réalité, chaque véritable croyant a un endroit caché qui est comme son hôtel. Là, quand il passe des moments difficiles, il va là-bas pour prier le Seigneur. Ça peut être votre chambre, ça peut être en brousse, ça peut être ici à l'église, ça peut être dans un bureau, là où tu verras que tu es à l'aise pour s'adresser à votre Seigneur. Ayez ce moment-là. Voyez. Mais si la chose vient de Dieu, il n'y a pas de calcul à faire. Même si vous avez des difficultés, mais Dieu va vous donner toujours une belle occasion pour vous adresser à lui. Voyez, c'est bien. Vous êtes encouragé, ma soeur. Vous êtes encouragé, mon frère. Continuez. Soyez sur une bonne voie. Ça fait partie des expériences de la chrétienté. Nayo ni onjo. Et une autre chose, pendant le sommeil, chaque fois je me voyais parlant en langue. Nuna sema sa muluga. C'est vrai, tu n'as pas le droit de parler en langue. On ne parle pas en langue dans les songes. Non. Cela signifie que vous passez un temps de sanctification. Vous voyez, quand vous dormez, tu rêves en train de parler en langue. Et même les gens qui sont à côté de vous là sentent que vous êtes en train de murmurer quelque chose. C'est pourquoi il te fouille, il te réveille. Il pense que tu es en train de voir le cauchemar. Mais quand il te réveille, tu te réveilles. Il te bouge, tu te réveilles. Alors tu vois que tu étais en train de rire. Vous passez dans une période de la sanctification. Ces songes-là, ce songe que vous voyez par la langue, c'est un signe d'encouragement. Mais quand le temps viendra de parler en langue, tu parleras en langue tout en étant dans votre chair. C'est comme quelqu'un qui rêve, il a reçu le Saint-Esprit. Non, il n'a pas reçu le Saint-Esprit. On ne reçoit pas le Saint-Esprit dans les songes. C'est votre esprit qui aspire. Vous voyez, à recevoir le Saint-Esprit. Comme c'est une préoccupation de ton esprit, maintenant vous commencez à rêver cela. Tu rêves en train d'être enlevé avec les frères, avec les sœurs que vous aimez, avec les pasteurs. Vous n'êtes pas encore enlevé. Vous voyez, c'est ce que vous aspirez, c'est ce qui occupe votre esprit. Vous voyez, ce sont les rêves d'encouragement. Tu es dans l'église en train de prier, en train de chanter, de communier avec les frères. C'est ce qui occupe tes pensées. Lorsque vous traversez la période de la sanctification, ne blâmez pas cela. Ça fait partie des expériences de quelqu'un qui est sur la voie du chemin et sur la voie du salut. C'est bon frère, c'est bon ma soeur. Il n'y a pas à vous plaindre là-dessus. Ne craignez rien. Avancez. Quand vous priez souvent, j'ai pris souvent. Troisième préoccupation. J'ai pris souvent. Et même pendant la prédication, je sens une puissance m'envahir. C'est toujours correct, mon frère, ma sœur. C'est comme ça que le Saint-Esprit fait. Quand vous priez, le Saint-Esprit vous voit de telle manière que ce ne soit plus toi qui prie, c'est le Saint-Esprit qui prie à ta place. Voyez bien, mes frères, parfois pas des paroles que toi-même tu ne peux pas exprimer, comme Paul l'enseigne dans Romains. Vous voyez, c'est bien. N'ayez pas peur. Pendant la prédication, vous sentez quand l'onction descend, quelque chose vous envahit. C'est bien. Mais regarde ce que vous faites. Quand cette onction vous envahit, tu te maîtrises. C'est bien. C'est ça le Saint-Esprit. Tu n'es pas agité. Le Saint-Esprit, on le contrôle. Vous êtes devant le roi. Vous parlez. L'onction descend. Vous avez l'intention de parler en langue. Si tu parles, on va te traiter de fou. Alors tu maîtrises la langue. La puissance est en toi. Elle te pousse à parler, mais tu la maîtrises. C'est ça la Seigneur, le Saint-Esprit. Tu es ici une bonne voix, ma sœur. Il peut y arriver quand tu pries. Quand tu pries, je réponds à la préoccupation de la sœur. Il peut y arriver quand tu pries. Une puissance t'envahit. Une puissance t'envahit. De telle manière que tu n'as plus de termes. Vous voyez. Tu ne sais plus prononcer. Tu Voyez, tu restes calme. Prononcer les paroles, tu ne sais pas prononcer. Pleurer, tu ne sais pas pleurer. Crier, tu ne sais pas crier. C'est une bonne expérience. C'est le Saint-Esprit qui agit. Il peut t'y arriver quand la puissance te saisit. Qu'est-ce que tu fais? Quand tu, même dans la prière, maombi, tu commences à bégayer, tu as l'intention de prononcer kitu, un mot, mais moya, tu ne sais pas prononcer cela. Tu veux par exemple dire Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, tu commences, c'est-à-dire, il y a une puissance qui t'envahit, qui te coupe la parole. Kubeba, kata na kusemo, c'est le Saint-Esprit. Vous voyez? Non. Alors, je m'arrête ici. Parce que ça, c'est un domaine très compliqué. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, moi, je n'aime pas expliquer beaucoup de choses. Pour éviter l'initiation. Nous vous enseignons la parole pour que chacun fasse son expérience personnelle. Parce qu'il y a des gens qui sont très charnels et les démons sont là. Alors ils disent, non, c'est comme ça. Vous voyez ça? Vous voyez? Mais quelqu'un fait toutes ces choses-là, il ne considère pas sa vie. Toutes ces expériences-là sont accompagnées d'une vie sainte et d'une obéissance totale à la parole de Dieu. Et cette vie-là est accompagnée de l'humilité. Cet homme-là est prêt. Cette femme est prête à accepter la correction de la parole de Dieu. Ça, c'est le Saint-Esprit. Qui a compris? Nanyana ileo. Ça va. Bonjour. Frère Banam. Du Banam. Dans question-réponse du 12 janvier 1960. Il dit ceci. Ah, c'est maïve. Au paragraphe 100. Ntaake ya mia. Au paragraphe 100. Ntaake ya mia. Bitu bingine mishite mwambia bimine biachi. Il y a d'autres choses que je ne peux pas dire, je les laisse. Je vais vous poser une question, frère. Avez-vous déjà senti le Saint-Esprit vous secouer? Au point où vous n'arrivez plus à parler? Vous restez simplement calme pendant un moment. Vous restez simplement assis là à pleurer. Cela vous est-il déjà arrivé? Eh bien, c'est le Saint-Esprit. Souvent, la raison pour laquelle les gens ne parlent pas en langue, c'est parce qu'ils ne savent pas comment s'abandonner à l'esprit. Et ils attendent quelque chose de loin, alors que cela est juste sur eux. Vous voyez? Mais les gens se laissent emballer par les émotions. Na mamuchamuko. Et ils commencent maintenant à prononcer des paroles. Na baranza kusema sema tumisemo. Un flot de mots. Ma, un flot de mots. Chatosha tumamisemo. Dénué de tout sens. Ya mingi mingi, ya shipomana. Ça, c'est le diable. Ule nchetan. Le parler en langue. Kusema muluga. On ne l'étudie pas. Aba kufunda ki kumasomo. C'est un don du Saint-Esprit. Lizawadi ya Rome taratif. Vous voyez? Non. Ça va, je pense, je m'arrête là. Je pense que tout le monde a compris. Le frère Blossel qui a posé la question. Tout véritable chrétien passe là. 18e question. Ma question est celle-ci. Comment gérer mon téléphone conformément à la parole de Dieu? Merci. Namna kani tanza kutumikisha telefoni yangu kufuatana na sauti ya Mungu. Asante. Je muzari tubira pa correction livre, dans le Corinthien livre de correction. L'ancien nous a prêché ici, au Corinto, Kitabu Yaknyolosha. Dans cette, dans ces prédications, il y avait aussi ça. Maomba ubiri ya mzee murukwaka ejibu. La télévision. Télévision. Et les téléphones aujourd'hui. Na téléphone Léo. Sont devenus de grands pièges. Inakuya Léo ni muteko mkubwa kabisa. Et presque des idoles. Na tunaweza kusema hata masanamu. Pour les gens aujourd'hui. Juu ya batu Léo. Comment gérer le téléphone conformément à la parole de Dieu? Namna kani kutumikisha simu fatana na je réponds à cette préoccupation. Minajibu kuyangaiko. C'est par une bonne utilisation. Comment on gère un téléphone? Namna kani kutumikisha téléphone. D'une manière conforme à la parole de Dieu. Je réponds à cette préoccupation. Utilisez votre téléphone correctement. Pour des causes justes. Pour des choses utiles. Vous ne briserez pas la parole de Dieu. Gérez votre téléphone avec sagesse. Il ne faut pas que le téléphone commence à te gérer. Aifai téléphone yo sasa njo inaanza kukongoza. Tu ne dois pas dépendre du téléphone. Hawezi kuanza kukangalia mambo yote na téléphone. Mais c'est le téléphone qui doit dépendre de toi. Lakini téléphone hapashi kuwa hapo juu yako. En d'autres termes, c'est pas kwingine. Ne soyez pas esclave du téléphone. Hapana kuwa mtubwa mtumwa wa simu. C'est comme on connaît des frères ici. Tu as banduku hapa. Mu nyumba ulikuwa mkaji. Tu étais au travail. Unarudia ku nyumba. Tu rentres à la maison. Téléphone abakia, téléphone à partir de 20h, tu restes au téléphone à partir de 20h, sur le téléphone. Jusqu'à 23h. Jusqu'à 23h. Jusqu'à minuit. Jusqu'à 0h. Mais où qu'on a ma démo? Où qu'on a ma pépo, m'tchafu. Tu as utilisé le téléphone yako correctement. Comment utiliser votre téléphone? Oui, gérer correctement. Gérer votre téléphone correctement. Na angalia mu téléphone yako. Regardez bien to be correct. Les choses qui sont correctes. Quelles sont les choses correctes? Utilisez votre téléphone pour une communication correct. Tu as kusumburia bitu ya bizuri. Hapana kubeba téléphone, tu as kuchambula bantu, tu as kushimanga bantu, kwa WhatsApp, tu as kuchambula bantu, tu as kushimanga bantu. Non. Calomnier les gens. Communiquer correctement avec vos correspondants. Ita ba rafiki yako banduku yako njoo mambo. Utilisez votre téléphone. C'est ton téléphone Android. Zaid ma téléphone Android. Pour écouter la parole. Njoo shia sauti ya Mungu. Pour écouter les prédications. Njoo shia mahubiri. Utilisez votre téléphone pour l'instruction. Nous avons des élèves, nous avons des étudiants. Utilisez ça, il n'y a pas à condamner. Utilisez ça pour une information saine. Il n'y a pas un problème. Apana, on avait le téléphone. Tu prends le téléphone. Ouais, on est en ma YouTube, on est en ma WhatsApp, on ma vidéo, tout ça. Où qu'on angaria, banamuke bunji, banamuke bunji, ma porno, on angaria. Bien tu vidéo qu'on angaria ni, il faut qu'on fasse film. Ce sont des films. Bien ovio. Des films qui sont vraiment. N'avions pas téléphone. Et sur le téléphone. Télé. C'est tellement rempli. Comme YouTube et Bicotel, comme WhatsApp et Bicotel. Comme Facebook et Bicotel. Il y en a de trop. Vous devez l'utiliser avec un discernement correct. Téléphone aina mobile. Le téléphone n'est pas mauvais. Non. Apane. Télévision aina mobile. La télévision elle n'est pas mauvaise. Non. Non. C'est l'utilisation. Namna kuitumikisha. Dieu comme mobile. Ah. Voyez frère. Voyez sœur. Non a dada, non a ndu. C'est pourquoi même dans l'écriture d'introduction. Mwandiko ile tulianza nayo. Tout est utile. Il s'est ma yote. Relisons bien cette écriture. Il somme l'andiko. C'est valable pour le téléphone. Jovile na kutsimu. C'est valable pour la télé. Iko para vile vile na kusimu. Lisez les choses correctes, écoutez les choses correctes, voyez les choses correctes, les choses édifiantes, communiquez correctement. Tout m'est permis. Mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis. Mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Voyez frère, tu es une femme, un homme marié, tu restes avec ton téléphone jusqu'à 3h du matin. Vous passez nuit même au salon. Comme Christ, tu es chrétien, tu es chrétien, tu es démon. Jusqu'à 3h qu'on engare ninin. Jusqu'à 3h, est-ce que c'est la prédication? On a dit ma politique, on angaria, on a mis ma théâtre, on angaria. Des comédiens. Ça vous sert à quoi? Ça vous sert à quoi? Mijenga kunin, même ça y a kunin. Makarashika unangaria, nakupika boka, imani yenye hauna, unalala, unaanza kuota kwa kufina panshingo. Tu dors et tu commences à rêver, on est en train de t'étrangler. Il faut éviter cela. Fai ko pukaili. Donc, utilisez votre téléphone correctement. Tumikisha simu yako mzuri. Et vous serez béni. Na mutabarikiwa. Mais si vous l'utilisez très mal, lakini kama unatumisha mbaya, ça deviendra une malédiction pour toi. Itakuya laana kwako. Voilà ce que signifie utiliser correctement le téléphone. Dans le message, je vais terminer cette pensée. Dans le message, pour accomplir ce prodige, du 12 janvier 1958 après-midi. Dans son paragraphe 29, la raison pour laquelle nous n'avons pas de bénédiction spirituelle, c'est parce que nous passons trop de temps à regarder la télévision. Trop de temps à lire les journaux et à écouter quelque chose que nous ne devrions pas écouter. Vous restez là avec ton téléphone. Na téléphone yako. Vous restez à la télé. Télévision. Vous lisez dans votre téléphone ou à la télé. Téléphone yako à la des télé. Choses que tu ne devais pas écouter. C'est pourquoi vous n'êtes pas béni spirituellement. Et nous ne rachetons pas le temps. Mais nous consacrons notre temps aux choses du monde plutôt qu'au Seigneur Jésus. Et la Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Les chrétiens vivent de la parole. Utilisez téléphone yako, télévision yako, que ton âme soit nourrie de la parole de Dieu. Là, vous allez bien l'utiliser. Le conseil que je vous donnerai, quand à ma temps, faites l'horaire. Même avec le téléphone, faites l'horaire. Ça fulani, ça fulani. Ah, je vais regarder l'information. Je vais peut-être une instruction, consulter les messages. Quand il est temps, si vous avez parti le temps comme ça et que ça a été coulé, fermez vos histoires. C'est comme ça. Jovine. J'ai parlé à un frère qui m'a vu au bureau. Qui avait une préoccupation qui est venue de l'Oumashi. Il m'a écrit un message, ça fait deux jours. Mais comme il n'est pas dans mon répertoire, je n'ai pas lu ce message. Ah, il a effacé, mais il a pris la décision de venir me voir. Et quand il m'a dit ça, j'ai dit non, pardonne frère. Souvent, il y a beaucoup de frères qui m'écrivent. Vous constaterez que je vais répondre plus tard. Si c'est un moment où je suis en train de consulter le téléphone, je peux vous répondre. Mais si c'est un moment où je suis concentré à autre chose, je peux vous répondre soit deux heures, trois heures, ou même une journée après. Mais je répondrai. Souvent, c'est ce que la sœur consolée me dit toujours. Il dit, pasteur, je sais seulement que tu me répondras. Maintenant, moi, je laisse son message. Mais effectivement, il y a un temps où je contrôle qui m'a écrit. C'est comme ça qu'il faut gérer. Je veux faire que tu me dises ça. Dans question réponse sur le Saint-Esprit. Question réponse sur le Saint-Esprit. Au paragraphe 87. Frère Bonhomme répond à une question qui concerne la télévision. Parce que c'est presque la même chose. Voyez. Donc, ni le téléphone ni la télévision ne sont pas des malédictions. Téléphone ou la télévision aïna la ana. Mais c'est l'usage qui a fait de la télévision et du téléphone une malédiction. Ni namna ya kuitumikisha ndio inafanya na kwa la ana. Vous voyez? Même la radio. Ata radio. Vous voyez? Non. Si la télévision est une malédiction. Kama télévision. Alors les journaux sont une malédiction. La radio est une malédiction. Et très souvent, les téléphones en est une. Téléphone nayo. Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? Tout dépend de l'usage que vous en faites. C'est tout. Kunaisha. Donc, utilisez correctement votre téléphone. Téléphone yako. Utilisez pour votre bénédiction spirituelle. Que Dieu vous bénisse. Lève-nous. Vraiment des prières. Merci, notre Père. Baba yetu, tunasema asante. Pour l'une ou l'autre question qui a été posée, la parole a été exposée à ton peuple. Au nom de Jésus-Christ et de chaque frère et de chaque sœur, à travailler de manière à contribuer à la stabilité de son couple. Qu'il n'y ait aucun des conjoints qui fuira ses responsabilités. Que la communion de couple, que l'amour de couple les entraîne à s'unir davantage dans la joie comme dans le malheur, dans la disette comme dans l'abondance, dans la souffrance comme dans le bonheur, qu'ils demeurent ensemble jusqu'au jour où toi le ciel, toi le Seigneur Jésus, tu décideras de les aider. Fais-le pour nos frères. Fais-le pour nos sœurs. Fais-le pour les enfants de cette église. Fais-le pour nos frères et nos sœurs qui nous suivent en ligne. Rends-les heureux. Rends-les heureuses. Pour la gloire de ton nom. Merci Père. D'une manière particulière. Aide chacun de nous à gérer son téléphone correctement pour que ta bénédiction repose sur lui. Bénis l'église. Bénis ceux qui sont en ligne. Nous te recommandons tout entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions ainsi. Amen. Amen.